3h du mat, exactement, vous êtes sur Fadjet. Nous sommes toujours en direct au cœur de 30 heures de live pour les 30 ans de Fadjet. C'est Davy que vous entendez à côté de moi qui va prendre l'antenne dans quelques instants pour Club Sensation. Nous sommes là en direct et nous vous accompagnons tout au long de la nuit. Et on est très très heureux les amis d'être avec vous. Dans un instant donc, encore du gros gros son. Mais en attendant, là nous venons de basculer dans l'année 2003. Et en 2003, il s'en est passé des choses. Il y avait du bon son sur Fadjet, il y avait du rock, il y avait Evanescence, c'est ce que je vous propose d'écouter maintenant. Bienvenue les amis, il est 3h. Fadjet, 6h minuit. On parie qu'il y a quelque chose qui vous passionne. Evanescence, c'était en 2003 sur Fadjet. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. Du vrai direct, 3h, 4, presque 5 du matin. On est en live et en direct, on vous accompagne pour ces 30 heures de direct. Une heure égale une année, nous sommes en 2003. En 2003, elle est membre du conseil d'administration de Fadjet. Elle est même à l'origine de la fête de la musique, telle que vous la connaissez actuellement encore sur Fadjet. Des groupes qui viennent jouer en live pendant toute la journée sur Fadjet, sur votre radio. C'est Gwenaëlle, je vous propose de l'écouter maintenant. Bonjour Gwenaëlle, tu étais à Fadjet dans les années 2000 à peu près. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle au sein de la maison Fadjet et puis comment tu es arrivée dans cette belle maison ? Bonjour, j'ai poussé la porte un petit peu par hasard, c'est-à-dire que je préparais des concours et j'avais une connaissance, un copain qui était passé par Fadjet et il m'avait dit que c'était une bonne expérience de faire un petit peu de radio, que ça m'aiderait à mieux m'exprimer à l'oral. Ça me donnerait quelques facilités d'expression et un petit peu de confiance. La radio m'a passionnée. Ces années de radio à Fadjet m'ont particulièrement passionnée. Alors, ces années, c'est combien d'années exactement ? 4 années, je pense, oui, à peu près. 4 années, donc, où pour l'essentiel, ça a été une participation assidue à la matinale de Fadjet, donc le 7h-8h30. Et puis, avec un copain qui est devenu mon mari, On a monté une émission, c'était une émission, je dirais, culturelle, la culture pour tous, où on abordait un petit peu tous les sujets, sauf la politique, qu'on essayait de vulgariser un petit peu, je dirais, cet accès à la culture. D'accord. Alors pour beaucoup, Fadjet, c'est une radio, c'est évidemment aussi un peu plus, parce que on est plus qu'une radio, on est aussi un lieu d'accueil où chacun peut s'exprimer, chacun peut donner son avis, son point de vue, venir rencontrer des amis, se faire des potes, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au sein de Fadjet. Rencontrer son mari, eh ben figure-toi que tu n'es pas la seule, il y a aussi Yves-Antoine qui est le programmateur de Fadjet, qui a rencontré sa femme à Fadjet, et il y a d'autres bébés Fadjet. C'est un lieu social qui est extraordinaire. Enfin, en tout cas pour moi, ça a été une étape de ma vie. Pour mon mari, pour l'anecdote, c'était amusant. On s'est rencontrés à la matinale de Fadjet et là, je peux vous dire qu'en fait, au départ, on s'entendait, mais pas du tout. Ah ouais ? Pas du tout. Et il me détestait. Je le détestais. On n'arrivait pas du tout à s'entendre. En fait, je ne faisais pas comme... je m'exprimais pas dans le pot comme il aurait souhaité que je m'exprime. Et voilà, on a eu des accroches particulièrement difficiles. Mais... Ouais, comme quoi, des fois, l'amour commence par des difficultés. Voilà, c'était comme ça, chien au départ. Et puis voilà, bon, aujourd'hui, on est mariés depuis quelques années et nous avons 2 enfants. Eh ben, c'est une belle anecdote en tout cas. Alors moi, je voulais savoir, quand tu es arrivé sur les coups des années 2000 à Fadjet, ça faisait 15 ans, c'était en plein milieu l'aventure Fadjet pour le moment. Est-ce que tu imaginais que ça poursuivrait jusqu'à 30 ans avec un développement des studios comme on a eu, si tu as eu l'occasion de les visiter dernièrement? Est-ce que tu pensais que ça continuerait à se développer? Moi, j'en ai jamais douté. J'en ai jamais douté parce que c'est un lieu qui accueillit déjà énormément de personnes quand je suis arrivée. Comme je l'ai dit, c'était un lieu chaleureux, c'était pas qu'un lieu de radio, c'était un lieu d'intégration sociale. Et j'ai pas imaginé une seconde que Fadjet puisse ne pas continuer à se développer et encore moins que Fadjet puisse disparaître. Et Fadjet est encore là aujourd'hui et ça me fait grandement plaisir avec un grand nombre d'émissions, avec des émissions de qualité et puis encore avec une écoute qui sont formidables. Merci beaucoup Gwenaëlle d'avoir pris un peu de temps pour nous raconter ton expérience Fadjet. Eh bien, merci et bon courage à toi. Fadjet, aujourd'hui 30 ans d'ondes solidaires. En tout cas, la personne dont elle parlait, je ne connais pas du tout. Bon, les amis, nous sommes toujours au cœur de 30 heures de direct pour fêter les 30 ans de Fadjet. Et oui, il s'en est passé des choses en 30 ans sur cette magnifique radio que vous écoutez sur le 94 de Nancy. Mais aussi, vous nous écoutez sans doute sur Fadjet.net à 3h09 du matin. Et notamment, il y a une des grandes émissions qui a cartonné, sur laquelle on s'est juste carrément éclaté. Une émission où on racontait des histoires, on jouait des histoires pour la radio, le quart d'heure de 15 minutes. Je vous en propose un petit extrait. Le quart d'heure de 15 minutes. Des nouvelles écrites et interprétées par les animateurs de Fadjet. Le quart d'heure de 15 minutes. Attention! Attention! Ça commence! Opération Pizza. Moi, j'adore les pizzas, avec du jambon, des champignons, du fromage, du chorizo et plein d'autres ingrédients dessus qui vous donnent envie d'en manger encore et encore. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut savoir dire stop. Ouais, qui c'est ? Pizza Presto, monsieur. Bonsoir, monsieur, c'est Pizza Presto. Je vous apporte votre commande. Une pizza 4 fromages, c'est ça ? Bah oui, mettez ça là. Alors, ça nous fait 7,50€, s'il vous plaît. Tenez. Ah, je sais pas si j'ai de la monnaie. Oh, écoutez, débrouillez-vous, mon vieux, c'est pas un problème, c'est le vôtre. Oh bon, d'accord, je vérifie. Voilà, c'est bon. Le quart d'heure de 15 minutes. Dis-moi, ma petite caille, est-ce que je pourrais écouter la deuxième histoire avec toi ? Et moi, je t'en pose des questions. Stratégie. Une entreprise, si elle ne veut pas agresser, doit être novatrice. Pour cela, il faut accepter de nouvelles stratégies. Pas si facile quand cette entreprise est leader du marché. Monsieur Mohamed, comme vous le savez bien, notre entreprise est en pleine expansion. Aussi, nous avons eu besoin de créer de nouveaux postes. Vous postulez donc pour ce poste de responsable en communication pour l'Afrique et l'Asie. J'avais affaire à de sacrés numéros pour cet entretien de sélection. Fadjet vous a présenté le quart d'heure de 15 minutes. Des nouvelles écrites et interprétées par les animateurs de Fadjet. Et tous les animateurs vous donnent rendez-vous mardi à 11h30, vendredi à 13h30 et dimanche à 17h pour de nouveaux épisodes du quart d'heure de 15 minutes. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. Il était une fois un monde méconnu de la musique électronique. Découvrez les styles Hands Up. Et art style. Dans un lieu où l'espace et le temps se mélangent et donnent naissance à l'émission Club Sensation. Club Sensation. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Fadjet, c'est les 30 ans et les 30 heures pour Fadjet et on attaque à présent pour les 3 heures avec notre invité DJ Divine. Il était venu pour la 250e, et bien il est là pour les 30 ans de Fadjet, c'est à toi. Live. DJ Divine. Divine. Divine. DJ Divine en mix live. Mix Live. DJ Divine, Divine, Divine, Divine, Divine, Divine. Setting me free, and thank you, God, for giving me back. Interchanging a mind control, come let the revolution take its toll. If you could flick a switch and open your third eye, see that we should never be afraid to die. But rise up and take the power back. It's time a fat cat's had a heart attack. You know their time's coming to an end. We have to unify and watch our flag ascend. Session sur Fadjet. Sur Fadjet. discovery. The ultimate destiny. Boundaries are to be broken. For new adventures to begin. Close your eyes. Clench your teeth. And take the jump. No ducks. No glory. DEF CON 1. Art Style Station. En mix live, DJ Divine. to my head, my high. Eyes are open, falling in the sand. I dust myself off. Did he who made the lamb make thee? Choices may change, but our hearts remain the same. Until another melody displaces it. Club Sensation sur Fadjet. Choices may change, but our hearts remain the same. Freedom.